ثم قال سؤال أظن الثامن يقول إذا نوى شخص أن يعمل سوء ولم يفعله فهل تكتب له سيئة أم لا؟ Personne qui a voulu faire une chose mauvaise mais n'a pas fait. Cela lui comptait comme une mauvaise action ou pas? هذا تكلمنا في هذا في مسألات في الأصول الفقه أخذنا القاعدة في هذا لما الأعمال بالنيات. I will explain. قال ورد في الحديث إن المسلم إذا هم بسيئة ولم يعملها فإنها تكتب له حسنة. الحديث est venu que si le muslim a voulu faire une mauvaise chose, une mauvaise action qu'il n'a pas faite, alors elle lui est écrite comme une bonne action. يقول ça c'est une condition laquelle وَذَا إِذَا تَرَكَ الْعَمَلَ بِهَا خَوْفًا مِنَ اللَّهِ. Voilà, c'est écrit comme une bonne action à condition que tu as délaissé cette chose-là par peur d'Allah. بِلِرْتِسَاب, tu voulais faire un mal puis tu t'es rappelé dans l'Azza wa Jal, tu as arrêté ce mal-là, tu ne l'as pas fait. D'accord, à ce moment-là on t'a, ça comptait qu'une bonne action. Puis ta raison c'est tu l'as fait de toi-même, tu as délaissé la mauvaise action par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال اما اذا ترك العمل بها لانه لم يتمكن من فعلها وهو ينوي انه لو يتمكن ان يفعلها فهذا يكون عليه الاثم بسبب نيته. قام يجي parce qu'il a délaissé ce péché, il a délaissé pourquoi? Car il n'a pas pu le faire, il n'a pas eu l'occasion de le faire. Dans son cœur, il a dit, si je pourrais le faire, je le ferais. D'accord? Alors lui, il aura le péché pour son intention. Comme quelqu'un, Mathalan, qui veut voler quelque chose dans un magasin, mais il dit, il y a trop de caméras, il y a trop de gens, et il y a l'antivol, il y a kaza kaza, laisse tomber, je ne le ferai pas. Tu vois? Mais si je reviens plus tard, qu'il n'y a pas tout ça, je le ferai. Donc lui, à ce moment-là, le fait qu'il n'ait pas volé ne lui apporte pas de bonne action. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait par peur d'Allah, il a fait parce qu'il ne pouvait pas le faire. Il a peur de se faire attraper lui. Mais il dit, si jamais j'ai l'occasion, je le ferai. D'accord. Donc à ce moment-là, le fait qu'il n'ait pas volé, il n'a pas le péché de ne pas avoir volé, il n'a pas le péché d'avoir volé, mais il a le péché d'avoir une intention de le faire. D'accord. Maintenant, l'acte du vol en lui-même, il n'est pas compté. Vous lui comptez l'intention d'avoir voulu le faire, de pouvoir le faire, si jamais l'occasion lui parvient. Ibn Tumel Fork, ah mais s'il le fait, c'est pire encore. Comme le veut l'action. Celui qui a l'intention de faire une bonne action, qui ne peut pas la faire, réellement, il a l'empêchement de la faire, ça compte comme une bonne action. Quelqu'un m'a dit, j'avais tant d'argent, je ferais ma salaine, une sadaqa, mais j'ai pas l'argent. Il est sincère. Lui compter la... Elle est comptée comme une bonne action, cela, cette attention-là. Elle est adilée, sont venues par rapport à ça. قال كما دلت على ذلك الأحاديث ومنها إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل ومقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا شأن القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حديثنا لقتل صاحبه. مثلا parmi les أحاديث qui prouvent que celui qui ne fait pas la chose mais qui comptait la faire quand même, voilà, sera compté comme lui, comme une mauvaise action. Le hadith, en ce hadith de Abu Bakr, il a dit, si jamais les deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, c'est-à-dire pour se combattre, alors le tueur et le tué, les deux sont en feu. Les gens ont dit, comment ça, messager d'Allah? Le tueur, on comprend, mais le tué, qu'a-t-il fait? Il a dit, il avait l'intention lui-même de tuer son frère. Et là, on parle de fait, ce n'est pas quelqu'un qui se défend. C'est quelqu'un qui avait l'intention de faire du mal à l'autre, et l'autre également de faire du mal à l'autre. Donc chacun avait l'intention de tuer l'autre. Donc les deux auront le péché. Maintenant, quelqu'un, il vient pour te combattre, et tu te défends, là, c'est autre chose. Là, il parle de deux personnes qui, toutes les deux, avaient l'intention, l'une comme l'autre, de tuer l'autre. D'accord? Et l'un des deux a pu le faire avant l'autre, mais même le tuer également, l'aura le péché. Il comptait lui-même tuer son adversaire s'il aurait pu le faire. Ah, donc celui qui comptait faire une mauvaise action, qui ne l'a pas faite par empêchement, il aura quand même le péché de l'intention. Celui qui le délaisse par peur d'Allah Azzawajal, lui aura une bonne action. Qu'on t'a la place.